propose à Hugues de nous présenter un peu ce que c'est que l'International des Fédérations Anarchistes, pourquoi c'est là, et puis après on demandera aux camarades d'intervenir. Voilà. Peut-être dire que nous sommes deux congressistes très présents, Odon, toi. Alors, tu vas peut-être nous dire qui tu es déjà. Pardon. Tu te présentes. Je m'appelle Bonnie, je suis déléguée de la Fédération Britannique. Et avant, j'étais secrétaire de la... De l'International. De l'International, dans 4 ans. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis Hugues, ancien secrétaire général de la Fédération Anarchiste et participant à la délégation de cette fédération dans les travaux du Congrès. Donc, cette internationale de la Fédération Anarchiste a commencé petitement en nombre, en 1968, hein, puisque les anarchistes de l'époque, œuvrant localement en Italie, en Espagne, en France et éventuellement un peu en Bulgarie, pour ceux qui n'avaient pas été assassinés par les staliniens, ont considéré qu'il fallait reconstituer un mouvement anarchiste international. Et donc ils ont recréé cette internationale des fédérations anarchistes qui, petit à petit, essaie de se construire et d'organiser un certain nombre de choses au niveau international, à la fois des contacts, parce qu'il est important que les anarchistes se connaissent dans le monde entier, que ces anarchistes puissent partager des analyses sur les situations sociales ou économiques des pays dans lesquels ils vivent, et tenter, ce qui n'est jamais très facile, de développer des stratégies communes pour lutter contre le capital et l'exploitation et tenter de faire avancer les pratiques et les idéaux libertaires. Et aujourd'hui, cette organisation qui a commencé petitement, mais tu en parleras mieux que moi, grandit, puisqu'on a fait adhérer un certain nombre d'organisations dans les années où tu assurais le secrétariat à l'international. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de demandes d'adhésion de fédérations en constitution, par exemple comme les Tchèques, qui n'existaient pas il n'y a pas longtemps, ou comme ou quelques autres, les Allemands, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Hein. Et petit à petit, cette organisation se développe. Et il y a de plus en plus de contacts internationaux pour voir si oui ou non ils souhaitent se fédérer avec nous. Donc l'idée c'est, il ne faut pas rester anarchiste dans un seul pays, pour reprendre une tradition d'un autre monde, et voir comment, puisque nous sommes internationalistes, on fait de l'internationalisme au quotidien et de manière pratique. Alors je voudrais vous poser une première question, c'est 1968... C'est la création, ou la tentative de création d'une internationale des fédérations anarchistes, à la dynamique de qui? Qui a voulu encenser ça? Mais ce n'était pas nous qui étions à l'origine, parce que nous, on est parti de l'internationale depuis à peu près 12 ans seulement. Mmh. Et nous, on voulait adhérer à l'internationale pour la raison que lui a dit, qu'on voulait participer avec les autres fédérations qui sont plus ou moins comme nous, au niveau de politique et de faire l'internationalisme. Et le IFA était le seul international qui existait. Ah oui, donc l'initiative est historiquement liée plutôt au latin, où le mouvement anarchiste a été relativement fort dans des temps passés, même si aujourd'hui France, Italie, Espagne. Et puis un mouvement qu'on connaît mal historiquement, enfin les gens qui ne sont pas au fait de ces choses, c'est les Bulgares, qui étaient... Il y avait un mouvement anarchiste bulgare très important dans les années 20 en Bulgarie, qui a été écrasé par les fascistes et ensuite par les communistes. Et il y avait pas mal d'exilés bulgares qui avaient participé à la guerre d'Espagne et qui étaient réfugiés soit en France, soit ailleurs, et qui ont reconstitué ce qui s'appelle l'UAB, l'Union anarchiste bulgare, qui était aussi à l'initiative de cette reconstitution, surtout un homme qui s'appelait Balkanski, qui avait participé militairement à la guerre d'Espagne. Quoi. Hein, et donc c'est ces gens qui s'étaient connus dans la défense contre le fascisme, qui avaient essayé de reconstituer le mouvement anarchiste à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et de cette horreur internationale, se sont un peu naturellement, enfin, avaient des liens, mais se sont dit avoir des liens un peu informels, c'est pas suffisant. Il faut essayer de passer une étape. Et cette étape, c'est d'abord, on retravaille ensemble parce qu'on se connaît bien. Et une fois qu'on a réinventé un certain nombre de rapports entre nous, et bien on essaiera de faire en sorte que d'autres organisations se construisant nous rejoignent, et on aidera un certain nombre d'organisations à se construire si nécessaire et si elles le demandent. Mais nous faisons la deuxième vague, il faut dire. La deuxième vague. Parce qu'il y a les gens du Sud, effectivement, et puis maintenant il y a les Britanniques, les Allemands, les Tchèques, et les langues d'organisation ont changé. Les premières réunions où on était seulement en Espagne, en espagnol, en italien et en français. Et maintenant, l'anglais, c'est une langue qu'il faut il faut avoir des réunions, des congrès aussi en anglais. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. D'accord. Et l'espéranto? Espéranto, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ça. Ouais. Mais c'est... Non, parce que sur le côté international, l'espéranto était quand même quelque chose d'assez intéressant. Dans l'idéal, ça serait bien que ça se passe en espéranto, mais ce n'est pas la réalité. Oui. Sachant que les camarades de Satami Caro sont là. Satami Caro, c'est la fraction libertaire des espérantistes. Et on a reçu un salut des espérantistes de Satami Caro, nous disant continuez vos travaux. On sait que ça se passe en partie en anglais. C'est un peu dommage, mais vaut mieux ça que rien. Mais l'espéranto est toujours une langue possible, comme nos camarades japonais et chinois l'avaient fait au début du XXe siècle pour essayer de communiquer avec nous plus facilement, puisque le mandarin au français, c'était un peu compliqué, ou le mandarin à l'espagnol, c'était compliqué. Donc il fallait trouver une langue plus commune qui permettait à des gens d'Asie de communiquer avec des Européens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'anglais a pris le pas très largement sur l'espéranto, même si on peut le regretter pour plein de raisons. Quoi. Sachant que nos amis espéranto seront là demain après-midi, à partir de 17h30, de façon à faire une émission et à en parler aussi sur le développement d'espéranto ou le non-développement et ce qu'il en est. Quels sont les groupes représentés actuellement ici? C'est-à-dire, bon, il y a les Anglais. Et les Français, monsieur. Probablement les Suisses. Ça, c'est un problème que dans le programme, ils ont dit Angleterre. Mais on a plusieurs groupes qui sont Écosse. D'accord. Alors, il faut dire Britannique et pas Angleterre, parce qu'aussi il y a Pays de Galles et puis il y a Écosse. Alors, c'est Britannique. Alors, on a des groupes de tout Écosse, Pays de Galles et en Angleterre. Puis il y a des Allemands qui sont là. Mais il y a aussi des gens de la Suisse qui font partie de la Deutsch Speaking Federation. Les gens qui parlent allemand, ils sont de la Suisse. Et puis, il y a des Slovéniens, qui est très important, les Slovéniens, qui sont adhérés aujourd'hui, après plusieurs années de travail. Et je crois que ça, c'était la contribution des gens qui parlent anglais, que puis on peut communiquer avec eux. Quand j'étais secrétaire, on a fait beaucoup de voyages. Moi, je suis allée à Bulgarie, on est allé dans les foires de livres, à Zagreb, parce qu'on peut communiquer très bien avec tous les anarchistes du Pays de l'Est. Et ça, on a fait une contribution de faire des contacts avec les gens qui... leur langue de communication entre eux, entre les Croates, entre les Slovènes, c'est en anglais. Il doit y avoir des Espagnols quand même. Ah bah bien sûr, les Espagnols sont là. Et qui donc encore? Les Italiens, bien évidemment. Il y a les camarades argentins de la Fédération Libertaire Argentine. Il y a... Alors, justement, les camarades d'Argentins, on en reparlera aussi durant ce week-end, puisqu'il est, je crois que c'est samedi. On fera une émission sur une école sans Dieu, sans maître et sans directeur. D'ici la fin de la semaine. Ouais, voilà. Tout à fait, ouais. Une expérience tout à fait intéressante qui se passe à Buenos Aires. Et on a aussi parmi. Parce que ce congrès, à la fois, c'est un congrès où se réunissent les fédérations anarchistes adhérentes à l'International des Fédérations Anarchistes, mais on a aussi invité un certain nombre de délégations qui se disent est-ce qu'on adhère ou est-ce qu'on n'adhère pas, quoi. Hein, ce qui fait que cet après-midi, après avoir présenté les travaux des différentes fédérations durant les 4 ans qui se sont passés et d'avoir le rapport d'activité du secrétariat de l'International qui était à Madrid jusqu'à la fin de la semaine, on va dire ça comme ça, un certain nombre de délégations ont saluer l'organisation, soit par un message quand elles n'ont pas pu se déplacer, et puis certaines sont invitées. Effectivement, j'ai été surpris par la multiplicité des contacts que nous avons aujourd'hui. Ouais, ce qu'on a oublié de dire, c'est par exemple, là, il y a une fédération biélorusse, les Biélorusses, ouais. Là aussi, c'est-à-dire que à la fois ça se développe beaucoup en Amérique latine, ça se développe à l'Est, Slovénie, Croatie, les Russes, c'est un peu Macedonia. Plus compliqué, Macédoine, des choses comme ça, et ça se développe aussi, et là ça sera, il y a eu deux groupes de travail qui sont allés du côté du Maghreb, quoi. Et on espère bien que d'ici quelques temps, il y aura une organisation libertaire avec pignon sur rue dans un certain nombre de pays du Maghreb. Et ça, c'est tout à fait important. Et des contacts en Amérique latine aussi. Alors, l'Amérique latine est très, très bien représentée. On a eu des messages, les Colombiens, les Péruviens, Mexicains. Les Vénézuéliens, Mexicains, Brésiliens, Argentins, Chiliens. Je crois qu'il manquait le Costa Rica, mais comme ils n'ont plus d'armée, ils n'ont plus besoin de nous. À peu près, mais vraiment, le Conandin est extrêmement bien représenté. Les USA. Il y a quand même des USA. Bon, les Québécois ne sont pas là, on se demande pourquoi. Mais... Il y a des cas. Oui, mais enfin, ils ne sont pas dans, dans l'IFA. Dans l'IFA. Au sujet de, du Maghreb, il y aura demain aussi, non, samedi, je crois, une émission spécifique sur la situation en Tunisie avec des copains tunisiens. Non, oui. C'est demain, effectivement. C'est demain. Oui. D'accord. Ouais. Voilà, donc une bonne... Et ce qui est intéressant pour l'Amérique latine, là, on a l'impression que, à la fois, il y a la tradition des anarchistes d'Amérique latine qui avait été amenée là-bas par les Espagnols, les Italiens, les Français et quelques autres, mais qu'on est en train de réussir en Amérique latine quelque chose qui a bien fonctionné pour le catholicisme autrefois. C'est une forme de syncrétisme, quoi. À la fois, les pratiques des populations locales plus ou moins autogestionnaires qui ont résisté à 500 ans de colonisation espagnole et qui rencontrent de manière un peu fortuite les pratiques que les Européens ont apportées. Je pense qu'il va se passer quelque chose d'extrêmement intéressant dans le Cononda quelquefois. Hein. Donc c'est la grande tradition indienne, au sens très large, mais tu en parleras mieux que moi à Serge s'il faut, qui rencontre un corpus idéologique qui a été pensé ailleurs. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du syncrétisme dont les gens d'Amérique latine ont le secret. Quoi. Oui, dans un exemple précis et très concret et très rapide, dans la création de la Fédération anarchiste mexicaine, il y a un compagnon qui n'a pas pu venir malheureusement, qui s'appelle Mathias, qui est d'origine amérindienne, de Oaxaca, et qui est un des plus vigoureux pour qu'il y ait une fédération anarchiste mexicaine et qui se joigne à l'IFA le plus vite possible. Oui, mais malheureusement, il n'a pas pu venir, mais il y a d'autres compagnons. Oui, il y a une délégation de moins 3 ou 4 personnes du Mexique, là, qui nous ont salués tout à l'heure. Et d'ailleurs, la fédération anarchiste française était présente au premier congrès l'année dernière, quand s'est mis en place la fédération anarchiste mexicaine, avec des très bons contacts. Alors, autre chose, on parle de fédération anarchiste de pays, mais peut-il y avoir des représentants de deux fédérations ou de trois fédérations d'un même pays ? Alors, ça c'est... non. Bon, c'est une question. Hein. C'est une question, mais là... Dans les statuts actuels, non. La question n'est pas tranchée, c'est-à-dire que dans les statuts tels qu'ils ont été pensés, encore que ça n'a pas toujours été vrai... À l'International Fédération anarchiste, il ne peut y avoir qu'une organisation adhérente par entité territoriale. Voilà. Le débat se pose, savoir si effectivement on ne pourrait pas penser dans certains lieux à avoir plusieurs organisations adhérentes à la même internationale, qui sont à la fois des organisations différentes localement, mais qui internationalement sont d'accord sur le pacte associatif de l'international. Mais ça, c'est un débat. Hein, certaines fédérations seraient plutôt ouvertes à ce genre de choses, d'autres sont encore relativement réticentes. Oui, je voulais poser une question sur le même sujet. Par exemple, le Brésil, qui est tout à fait immense, on peut admettre qu'il y a des fédérations selon les différents états du Brésil. Parce que, est-ce que ça, c'est possible aujourd'hui ou est-ce qu'il faut faire évoluer les statuts ? Non, on ne va peut-être pas rentrer dans un débat, mais c'est un débat intéressant. Oui, mais la chose qui est importante, que la fédération qui est déjà adhérente, s'ils sont d'accord, qu'il y a une autre fédération. D'accord. Alors ça va aller, mais il faut que cette fédération soit d'accord. D'accord. Oui, parce qu'il faut savoir que quand même le mouvement libertaire, justement, c'est un mouvement qui est très hétéroclite, où il y a vraiment beaucoup Non, pas hétéroclite, hétérogène. Hétérogène, moi j'aime bien hétéroclite, ça fait objet. Et ce qui fait qu'il est vrai que dans certains lieux, si on prend la France, on a quand même plusieurs structures, on pourrait appeler, du mouvement libertaire. Et donc c'est vrai que c'est difficile de ne pas accepter tous les lieux. Oui. Mais la question de l'accepter ou pas accepter, c'est à la fois, comme le disait Bonnie, que l'organisation qui a fondé pour la zone territoriale ou qui a adhéré à l'IFA, on soit d'accord, et que les nouveaux entrants soient en accord avec les principes de base de l'International des fédérations anarchistes. Hein, c'est-à-dire que nous ne sommes pas plateformistes, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'il faut une ligne politique dans l'organisation. Nous sommes synthésistes, donc on associe les anarcho-syndicalistes, les individualistes et les communistes libertaires, et on considère que les décisions doivent plutôt être prises au consensus et que la responsabilité est individuelle, ce qu'on retrouve dans les principes de la fédération anarchiste britannique ou anglaise, avec des petits détails, pas anglaise, britannique, avec des petites nuances selon les cultures locales. Donc il y a un minimum. Et on n'adhère pas à l'International des fédérations anarchistes, comme ça. Hein, et puis il y a aussi des façons d'adhérer qui sont, on se regarde, on cause, on travaille ensemble. Ce que disait Bonnie par rapport aux camarades tchèques, c'est bien ça. Ah non, les Slovènes, rapport aux Slovènes. C'est un travail de longue haleine, voilà, quand même, de relation. Voilà, peut-être pas de longue haleine, mais d'haleine. Bah, si, ça a duré quand même visiblement un bout de temps. Et quels sont actuellement les pays qui serait tenté de rentrer dans l'international? Mais on a rencontré les Slovènes, je pense, il y a au moins 12 ans. Oui, donc il y a un camarade de Slovénie qui est venu au CRIFA à Prague. Alors, CRIFA, c'est Le comité de relations de l'international des fédérations. En gros, c'est le secrétariat, quoi. Ouais. Alors, on a des contacts avec le même Slovène depuis à peu près 10 ans, peut-être. D'accord. Alors, c'est un travail de 10 ans. Ouais. Et aujourd'hui, il y a d'autres pays qui ont pris contact pour entrer dans l'international des fédérations anarchistes. Mais aujourd'hui, les Mexicains ont dit que ça les intéresse. Ouais. Les Tchèques aussi. Les Tchèques sont déjà. Oui, c'est pas dont je parlais. Alors, et matériellement, d'une façon plus pragmatique, quel est le rôle de l'international des fédérations anarchistes et comment travaille l'international des fédérations anarchistes, mis à part par le téléphone maximum? Mais beaucoup, c'est sur le net. Et heureusement, il y a la Fédération française qui ont pris la responsabilité de gérer et transformer le website, comment on dit, website? Le site internet. Le site internet, c'est la Fédération française qui vont transformer le site internet parce que moi, je pense que c'est un peu demandé. Et je crois que dans quelques mois, on va avoir un site internet pour notre international qui va être beaucoup plus... Mais site internet qui aura deux fonctions, à la fois de la communication à l'intérieur de l'international et qui aura une ouverture vers l'extérieur pour ceux qui voudraient se renseigner sur ce qu'est l'international, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, des choses comme ça. Et voilà, au-delà du fonctionnement électronique... Il y a des réunions tous les 3 mois. Tu parlais des CRIFA, Bonnie? Enfin, 3 ou 4 ou... 4 mois, je crois. Deux fois par an. Au moins. Oui, voilà. Puisqu'il y a un CRIFA qui s'est tenu à Paris il y a très peu de temps. Voilà, donc il y a une rencontre physique des responsables de nos organisations qu'on délègue dans ce CRIFA pour organiser la vie de l'international et éventuellement les congrès tous les 4 ans. Voilà. Et est-ce qu'il y a justement, en termes de désir d'organisation, pas simplement de l'organisation de l'IFA en tant que telle, mais... par exemple, d'une manifestation générale européenne ou internationale, bien entendu, d'un journal ou de choses dans ce genre-là, de façon à commencer à apparaître. Puisque l'International des Fédérations Anarchistes, mis à part le site, on ne la voit pas tellement apparaître. Alors, oui, là, tu pourrais peut-être en parler, Bonini. On a mis en place, il y a, je sais pas, 7 ou 8 ans maintenant, ou peut-être moins, je sais pas, mais c'était déjà là à Carrare, il y a 4 ans, en 2008, des journées internationales, dont on va faire le bilan durant ce congrès. Hein, donc on a essayé, il y en a une, c'était sur la question du militarisme, il y a je ne sais pas combien d'années, et une autre sur la question des gens qui n'ont pas de surveillance. De surveillance, des gens qui n'ont pas de visa, des choses comme ça. Mais c'est très difficile de réussir à coordonner une journée internationale anarchiste dans des pays qui n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes rites, les mêmes moments de lutte sociale, quoi. Hein, donc si on dit c'est le 17 mars, le 17 mars peut tomber très bien pour les Britanniques et les Français, mais très mal pour les Espagnols et les Italiens. Donc l'idée qu'on avait, c'est plutôt de dire on fait une journée internationale, mais sans la bloquer sur un jour calendaire, ça risque de très mal tomber, parce que peut-être que le jour de la journée internationale des anarchistes espagnols, ça sera la fête Dieu et qu'il va y avoir une forte concurrence dans les rues de Madrid. Impossible qu'il y ait de concurrence. Une question toujours dans les possibilités d'action et d'intervention. Est-ce que, par exemple, c'est un exemple qui va pour hasard, qui est dans l'actualité, il y a relativement pas mal de contacts suite aux révolutions arabes, il y en avait déjà un peu avec un certain nombre d'organisations en Égypte ou ailleurs. Est-ce que, par exemple, l'organisation de journées de rencontres, cette fois géographique, méditerranéenne, par exemple, c'est quelque chose que l'IFA pourrait organiser, sachant que c'est un gros boulot, mais je pense que dans la période, ça vaudrait vraiment le coup. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Alors, mais il y a une réunion aujourd'hui pour discuter de ça. Si vous en parlez, c'est que c'est quelque chose qui peut être... C'est souhaitable, d'abord. Voilà. Et du fait que ce soit souhaitable, on est en train de voir si c'est possible. Absolument. Hein, puisque, comme vous le disait Michel Niemi tout à l'heure, organiser des manifestations de cette nature-là, c'est relativement compliqué. D'autant plus que la police veille aux frontières et qu'il faut trouver un pays où la question des visas ne se pose pas trop. C'est-à-dire que les copains puissent se déplacer. Donc on a un projet comme ça, peut-être, qui pourrait se réaliser dans l'année à venir ou dans l'année après l'avenir. soit avec quelque chose du côté de la Tunisie, où apparemment il y a des espaces de liberté, de parole au moins, qui se sont ouverts, encore qu'il va falloir être très vigilant. Ou éventuellement du côté de la Turquie, où effectivement il n'y avait pas de tradition libertaire, c'est un des exemples. Voilà. Et aujourd'hui, aussi bien du côté de la communauté kurde que de la communauté turque, il y a la naissance d'un mouvement anarchiste extrêmement important, puisqu'ils ont fait le deuil du marxisme-léninisme, qui est vraiment une très bonne chose, au moins pour certains d'entre eux, et peut-être qu'on pourrait organiser quelque chose sur l'ensemble du bassin méditerranéen, avec les fédérations historiques, les Espagnols, les Français, les Italiens. Mais les Slovènes aussi les étaient à la même réunion aujourd'hui pour discuter de ça. Et puis les Croates sont en train de s'organiser aussi de leur côté, donc la Méditerranée au sens très large, donc de la Turquie en passant par le Maghreb, l'Europe du Nord. Peut-être en Israël, puisqu'il y a quand même un groupe anarchiste contre le mur de gens qui se positionnent en tant qu'anarchistes. Oui, mais si on organise ces rencontres méditerranéennes, il est bien évident que les anarchistes contre le mur seront invités. D'ailleurs, il y a dans le programme de Saint-Imier une intervention à un moment ou à un autre de nos jeunes camarades israéliens sur la question à la fois de la Palestine, qui les touche beaucoup. Israël, proprement parlé, puisqu'il y a quand même... Mais en Israël, il y a toujours un mouvement libertaire, hein, puisqu'il y a une grande tradition laïque, on a beau nous raconter ce qu'on veut, il y a toujours un mouvement libertaire. Et puis dans la formation d'Israël, il y a eu des libertaires quand même. Oui, non, puis la communauté juive est extrêmement forte dans le mouvement anarchiste britannique ou américain. Hein, l'un des quotidiens anarchistes qui a duré le plus longtemps était en yiddish aux États-Unis. Le yiddish, c'est la langue de la communauté juive du nord de l'Europe, quoi. Donc ça existe, voilà. Mais à Saint-Imier, on a organisé les réunions avec deux ou trois fédérations de l'international. Alors, nous avons organisé une réunion contre le nationalisme avec les camarades de Croatie. Oui, alors on a organisé une réunion avec eux. On a organisé une autre réunion avec les Slovènes. Alors il y a beaucoup de contacts entre les fédérations qui sont adhérents à l'IFA et on fait un travail ensemble. Mais est-ce d'autant que c'est difficile pour ces pays-là, suite à la guerre civile qui a été développée à la fois par les uns et par les autres, suite à l'effondrement de la Yougoslavie, quoi, hein, où il y a eu des horreurs qui se sont commises d'un côté et de l'autre, et il faut que les communautés locales puissent se reparler, et le mouvement anarchiste est peut-être un des éléments qui permettra à ces communautés de se réunir et de se fédérer en disant s'il y a eu ces horreurs, c'est parce qu'il y avait un système. Un autre système peut aussi peut-être permettre de se reconnaître à nouveau, quoi. Oui, puis le mouvement libertaire s'est toujours battu contre le nationalisme. Donc je pense que des gens qui se déclarent dans le mouvement libertaire ne peuvent plus avoir ces notions. Ils doivent aussi les rayer. Sinon, on se retrouve avec un mouvement libertaire croate, par exemple. Un mouvement libertaire d'une autre partie de l'ex-Yougoslavie qui serait en opposition, et ça c'est matériellement impossible dans l'idée du milieu libertaire. Oui, mais sachant que par exemple la Fédération anarchiste française ne connaît pas de frontières, si j'ose dire. Hein, on se réclame de la Fédération anarchiste francophone. Hein, on a quelques adhérents en Suisse, dont une camarade de l'Espace Noir, et on a quelques camarades francophones en Wallonie qui sont aussi à la Fédération anarchiste. Donc déjà nous-mêmes, Fédération anarchiste, on ne dit pas française, on dit francophone. Et je pense que dans d'autres lieux, il faut casser les frontières. Les États, ce n'est pas notre zone géographique. Il faut aussi que les anarchistes, éventuellement, s'ils le peuvent, s'organisent autrement, au-delà des frontières qui nous sont imposées par le système. Mais ça commence à faire à cause de ce qu'on a fait dans notre international. Parce qu'il y avait un camarade de Macédonie qui a rencontré... Donc de Macédoine. Macédoine, qui a rencontré les camarades de Slovénie et Croatie pour la première fois dans notre congrès. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que c'est à partir du moment où on se déclare du milieu libertaire, c'est vrai que cette notion de frontière, cette notion, elle doit disparaître. Parce que sinon, il y a quand même une incompatibilité dans le mouvement libertaire si on reconnaît les frontières et les communautés qui nous ont été imposées. Oui. Mais sachant que les frontières qui ne sont jamais naturelles sont aussi des frontières linguistiques. Alors c'est moins vrai pour toute l'ancienne zone yougoslave où malgré tout le serbo-croate était la langue dominante, donc ils se comprennent assez facilement du point de vue de la langue. C'est moins facile si on veut l'Allemagne et la France, par exemple. C'est oui, compliqué. Mais après, ça devient un problème. C'est des barrières linguistiques qui sont fortes, quoi. Mais ça devient un problème naturel, si tu veux, de langue. Cela dit, du côté de Strasbourg, les camarades de Strasbourg travaillent souvent avec les camarades de Kiel et de l'autre côté du Rhin, qui est historiquement la même région, quoi. Une dernière question, je pense qu'on va bientôt terminer rapidement. Le mouvement anarchiste, c'est un mouvement qui rassemble des générations. D'ailleurs, on le voit ici à Saint-Imier, aussi bien des jeunes, des anciens, etc. Bon, ça, c'est global et c'est souhaitable et c'est très bien. Ceci étant, dans un certain nombre de pays, le mouvement anarchiste se reconstitue, notamment dans certains pays d'Amérique latine, y compris à Cuba, d'ailleurs. Et ces jeunes gens, ce sont des jeunes gens qui sont, que je respecte énormément, mais sont relativement coupés de toute l'histoire du mouvement anarchiste. Et c'est quand même essentiel, puis coupés tout simplement par la répression communiste et fasciste qu'a évoqué Hugues. Et donc, est-ce que l'IFA a une possibilité de contact, de rappel de l'histoire du mouvement? Parce qu'on construit un mouvement avec des jeunes, mais aussi on construit un mouvement avec ce qui a été fait avant. Avec son histoire. Et ça me paraît essentiel dans un certain nombre de cas, en général, mais particulièrement, par exemple, en Amérique latine et aussi dans les pays arabes, bien sûr. Ça, c'est une des difficultés qu'on a connues en Espagne quand Franco est mort, c'est qu'il y avait une cassure générationnelle du point de vue social. La guerre d'Espagne avait beaucoup de mal à travailler avec les jeunes libertaires espagnols qui avaient 17 ou 18 ans, qui n'avaient connu que le franquisme et qui rêvaient aussi un petit peu d'autres moyens de communication. Et effectivement, il faut reconstituer les scènes sociologiques. Par exemple, dans la délégation française, on est une vingtaine dans la délégation officielle à l'IFA. Notre plus jeune militant a 17 ans et notre militant le plus ancien a 68 ans. Non, c'est pas moi. Une des choses qu'on a... 69 même, pardon. Ah, 69, il a encore vieilli. Et donc, entre autres, à la Fédération anarchiste française, et je pense que c'est ce qu'il faut réussir à faire dans les autres organisations, c'est qu'il n'y ait pas de cette rupture générationnelle. C'est-à-dire que les plus jeunes puissent accepter de travailler avec les plus anciens, que les plus anciens acceptent que les plus jeunes ne soient pas identiques à eux-mêmes. Et si on réussit ça, on réussira la transformation sociale de nos organisations, et peut-être à une échelle plus importante. Voilà. Et donc, pour les pays qui sont en reconstitution du mouvement, l'important, c'est de permettre à ces générations de se rencontrer. Voilà. Et puis, dans les pays où ça naît, c'est tout à fait différent, puisqu'il y a toute une culture à la rapporter. On parlait des jeunes libertaires du Maghreb. À la fois, ils sont très libertaires dans leur comportement, ils ont pigé plein de trucs. Ils n'ont peu de culture sur ce qui fait le fondement idéologique de l'anarchisme. Ils l'inventent au fur et à mesure, et de temps en temps, ils disent « Nom de Dieu, mais c'est exactement ce que je pense. » Mais c'est nom de Bakounine, ils disent. Nom de Bakounine, ouais. Et ils se disent « Ah, c'est exactement ce qu'on a envie de faire, c'est exactement ce qu'on pense. » Ils arrivent enfin à référer leur pratique sociale ou leur désir social à un champ idéologique. Quoi. Oui. Et c'est à nous de leur montrer que ce qu'ils font, ça leur appartient, mais que ça a déjà été dit, déjà inventé, déjà pratiqué, et qu'en cela, ils sont bien libertaires et que c'est bien avec nous qu'ils doivent combattre. Oui, sachant que c'est toujours très intéressant qu'ils aient d'abord des pratiques et qu'ils se retrouvent derrière. Chez les anarchistes, cher camarade Philippe, c'est toujours les pratiques qui ont permis de construire la théorie. C'est seulement chez les marxistes, et pas tous, où la théorie a été pensée avant la pratique. Voilà. Et donc nous, on s'inspire de ce qui se fait, de ce que les gens construisent, et à partir de là, on essaie de théoriser. On s'arrête là-dessus ? Ça va être l'heure. Et ben, on va se mettre un petit peu de musique, puis merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir accueillis. La suite, on va donc faire un petit historique du mouvement libertaire et bien sûr de l'arrivée à Saint-Imier en 1872. Voilà, et de la création de l'international anti-autoritaire qui nous réunit aujourd'hui. Voilà. Et dont l'IFA est à sa manière une suite, même si elle est la première internationale anti-autoritaire, était très syndicaliste aussi. L'international des fédérations anarchistes l'est, mais pas seulement. Mais il y a une tradition et un lien évident entre ce qui s'est passé ici en 1872, quand on constitue l'international anti-autoritaire, et le congrès de l'international des fédérations anarchistes. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de rupture idéologique.